الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع شرح سورة الملك بإذن الله عز وجل وبالله التوفيق. يقول جل وعلا: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد توقفنا هنا في الحصة القديمة بإذن الله عز وجل. Dans la dernière séance, on s'était arrêté ici avec ces termes. Al-Aziz ou Al-Ghafour, c'était là où on était arrivé. On avait parlé de ce verset coranique où Allah Azza wa Jal dit: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-Aziz al-Ghafour. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle qu'il a créé la mort et la vie afin de nous éprouver, afin de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et on a parlé de la bonne action. Quelle est la meilleure des actions? La bonne action, l'œuvre salutaire, la meilleure des actions, l'action qu'Allah Jalla wa Ala attend de nous tous et toutes, c'est l'action qui est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, cette législation, c'est ce qu'on appelle al-mutaba'a, et celle qui est effectuée avec ikhlas, avec sincérité. Amma, si elle ne remplit pas ces deux conditions, et on ne dit pas une de ces deux conditions, l'action est rejetée. L'action est rejetée. Et on a parlé de l'itqan wal-ikmal. Et c'est ce qui nous est demandé, al-itqan, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah yuhibbu idha amila 'abdahu 'amalan an yutqinah. Allah azza wa jalla aime quand son serviteur fait une action, peu importe une œuvre concernant une activité de dunya ou bien un acte d'adoration, qu'il le fasse avec itqan, c'est-à-dire qu'il s'approche au plus de la perfection. C'est ce qui nous est demandé. Et al-ikmal, c'est de le faire complètement, c'est-à-dire ce qui est à l'opposé du ce qu'on appelle le travail bâclé. Donc, quand le musulman fait un travail ou adore Allah Azza wa Jal, il le fait de la meilleure des façons et il le fait de la façon la plus complète. C'est ce qui est demandé bi idhnillah Azza wa Jal. On avait rappelé que cette communauté au jour d'aujourd'hui, elle a besoin de beaucoup, d'énormément de discipline, al-nizam, d'organisation. On n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez organisé, on bâcle trop le travail. Et ici, quand on s'engage, on ne va pas jusqu'au bout de nos engagements, illa man rahim Allah bien sûr. Et ici, quand on fait une chose, on ne la fait pas à la perfection. Mais on ne veut pas, soit par paresse, soit par manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, etc., etc. On ne veut pas s'approcher de la perfection. On dit, j'ai fait ça, hada yakfi, ça suffit. Et ça, c'est contraire à la moralité du musulman et du croyant normalement. Et on avait rappelé que malheureusement, lil asaf, wa hada bima kasabat aydina, ça c'est ce que nos mains nous ont provoqué. Hada yani laysa min ad-din, ça n'a rien à voir avec la religion, mais on a hérité de certains proverbes, travail d'arabe, téléphone d'arabe, etc., etc. On l'a hérité parce qu'il y a des raisons, d'accord? On a semé, on récolte. Et maintenant, c'est à nous de se réformer, et on a besoin de discipline, d'accord? De discipline dans tous les sujets, d'accord? Quand on parle de discipline, c'est la discipline à la mosquée, c'est la discipline dans une salle d'ablution, c'est la discipline dans une station d'essence, c'est la discipline quand on conduit, c'est la discipline quand on fait la queue, c'est la discipline quand, c'est dans tous les sens du terme ici. Donc ici, ce n'est pas simplement être discipliné quand je dis Allahu Akbar jusqu'à At-Taslim, Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum. Non, c'est la discipline dans ta vie. Et on a besoin de cela. Quand on est dans la salle d'ablution, Akramakum Allah, Inna Allah la yastahi min al-haq. Mais il faut le dire. Quand tu urines, ici si tu ne sais pas uriner, ya akhil karim, va apprendre à uriner. Mais viens pas uriner partout, n'importe où, dans les salles d'ablution, dans les mosquées. Je dis ça par expérience, car dans la plupart des mosquées dans lesquelles j'ai été, ici on a vu des catastrophes. D'accord, on a vu des choses catastrophiques, wal'iyadu billah. Je vais pas vous faire des dessins, je vais pas vous raconter des choses qu'on a vues de nos yeux, et je pense pas être le seul, hein. Je pense pas du tout être le seul, mais c'est catastrophique. Alors que nous sommes la religion, ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, qui, alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala nous a appris, le prophète alayhi salam nous a appris, an-nadhafa, et que an-nadhafa, c'est une chose essentielle dans cette religion, et qui a une place importante dans l'islam. Mais ici, même quand tu vas dans une mosquée, une salle d'ablution, akramakumullah, tu vois des choses catastrophiques. Elle est où la discipline? Il est où ici le comportement du musulman, l'éthique, la moralité du musulman? Ça, c'est dans une salle d'ablution dans les mosquées. Que dire dans les stations d'essence? Et faut pas s'étonner ici, et j'en parlais tout à l'heure avec certains frères, ici que certaines personnes de certains pays sont racistes envers certains arabes. Certains arabes ou certains arabes. Ici, comme on parlait et on donnait l'exemple de certains pays qui reçoivent D'accord? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyageurs, quand ces voyageurs-là se dirigent dans certains, je vais pas citer de nom, hein, dans certains pays du Maghreb ou autres. Et je parle ici de certaines personnes qui les reçoivent et qui sont dans des pays non musulmans et qui sont responsables de stations d'essence, etc. Ils sont devenus racistes et il y a eu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là et pas que d'une personne, hein. Ils sont devenus racistes à cause du comportement de ces musulmans, d'accord, qui n'agissent pas du tout avec le comportement du prophète alayhi salatu wasalam quand il rentrait dans une station d'essence. Ils en peuvent plus. Ils voient les troupes arriver et ils voient les catastrophes et akramakumullah les couches partout. Quand ils sortent des ablutions, des salles d'ablution, une catastrophe. Et quand ensuite on se dit mais pourquoi les gens nous regardent de travers ou et pourquoi on a hérité ayyuhal ikhwatu wal akhawat de certains proverbes et d'un certain racisme parce que nous on a provoqué ça. Illa man rahim Allah. Donc à nous de se réformer. Et ça commence comme cela, ayyuhal ahibba, le chemin vers la réussite, le chemin vers le succès. Car on avait rappelé dans le cours d'hier ou d'avant-hier que ici, si on veut al-izza, si on veut la force, si on veut la puissance, si on veut la réussite, elle n'est autre que dans quoi? Que dans la religion. Pas dans tijara, pas dans l'argent, pas dans, dans la religion. Et c'est pour ça qu'Umar radiallahu anhu arda disait, kunna avillah, fa'a'azzana Allahu bi, bil-islam. On était humiliés, Allah nous a donné la force, la puissance avec l'islam. Et si on cherche la puissance en dehors de l'islam, la avallana Allah, Allah jalla wa ala nous humiliera. Mais dans l'islam, ça veut dire quoi? Simplement faire as-salawat? Al-khams fi baytin min buyutin? Non, ça fait partie de l'islam. Mais c'est un tout, c'est de vivre avec l'islam. Kana Rasulullah alayhi salatu wa salam, comment était le prophète alayhi salatu wa salam? Kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement, sa moralité, c'était le Coran. Donc quand tu es dans des toilettes, agis comme le prophète agissait. Quand tu es dans une administration, agis comme le prophète aurait réagi. Et comme le prophète t'a enseigné, t'a appris de réagir. Quand tu es dehors, quand tu es à la mosquée, quand tu parles, quand tu marches, quand tu bois, quand tu t'assois, quand tu retrouves des textes ici qui vont te permettre de vivre ici une vie complète bi-idnillahi azza wa jal et conformément au Coran et à la sunna bi-fami salafil umma. Allah n'a rien omis de d'émettre et de transmettre ainsi que son messager alayhi salatu wasalam. Comment on s'assoit, c'est expliqué. C'est pas que un hadith, c'est expliqué. Comment aller aux toilettes, c'est expliqué. Comment avoir des rapports in Allah la yastahi min al-haq avec sa femme, c'est expliqué. Comment uriner, c'est expliqué. Comment se comporter dans les toilettes, c'est expliqué. Avant de rentrer dans les toilettes, c'est expliqué. En sortant des toilettes, c'est expliqué. Vous croyez que c'est pour décorer? Pour dire oui, simplement. Le prophète, il a tout transmis. Après, il rentre dans les toilettes, Allahu musta'an. Subhanallah, c'est pas que de la parole. Il faut agir. Et à chaque fois, dis-toi, Allah me regarde. Et je rendrai des comptes. À chaque fois, tu rentres dans les toilettes, Allah me regarde, je rendrai des comptes. Je sors des salles d'ablution, Allah me regarde, je rendrai des comptes. Je vais dans une administration, je représente l'islam, Allah me regarde, je rendrai des comptes. Tu ouvres la fenêtre, tu veux jeter quelque chose de ta voiture, et là j'exhorte ma propre personne le premier, Allah me regarde, je rendrai des comptes. Et etc. Quand tu te diras toujours cette parole, Allah Jalla wa Ala me regarde, je rendrai des comptes, à ce moment-là tu atteindras ce qu'on appelle l'ihsan. Et l'ihsan, ici c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, Allah te voit. Hada huwa l'ihsan. Et c'est à force de te dire à chaque fois, Allah me regarde, Allah me voit, je rendrai des comptes. Allah me regarde, personne ne me voit, mais Allah me regarde. Là, à ce moment-là, bi-idnillah azza wa jal, tu es en train de faire un combat et des efforts pour atteindre al-ihsan. Mais si tu ne te répètes pas à chaque fois cela dans ta tête, Allah me voit, Allah me voit, Allah me voit, peu importe les gens, mais Allah me voit, je devrais rendre des comptes. Comment tu veux avoir la crainte d'Allah azza wa jal ou atteindre al-ihsan? D'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui Allah jalla wa ala, il te voit. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله جل وعلا il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui-même عن نفسه et il dit وهو العزيز. Donc Allah عز وجل lui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le fort, le puissant qui détient la puissance ici impressionnante comme dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala وغيره من أهل العلم. C'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire quelque part Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose et Allah dans d'autres versets coraniques il nous rappelle qu'il est dur en punition, shadidul iqab, mais tout de suite après il nous dit, regardez, wa huwa al-azizul ghafur. Donc il est puissant, une puissance ici impressionnante, personne ne peut l'égaler dans cette puissance, une puissance complète, parfaite, mais à côté, wa huwa al-azizul ghafur. Donc ne désespère pas. Allah, il est puissant. Et il châtie, et il est dur au châtiment, walakin, il pardonne. Wa ya'fou. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Ici, celui qui a péché, celui qui a eu des déficiences, celui qui s'est égaré, celui qui a glissé, celui qui est tombé dans le péché, mais qui s'est repenti. Wa tabi lillahi azza wa jalla tawbatan nasuha. Allah, il pardonne. Wa huwa al-aziz. Wa huwa al-aziz al-ghafour. Allah, il rappelle ici, qui a la puissance, mais qu'Allah jalla wa ala aussi, il nous rappelle quelque part la douceur. Allah, il pardonne. Et là, on retrouve souvent ça dans Al-Qur'an, c'est ce qu'on appelle uslub Al-Qur'an, le style du Coran. Allah, il parle du paradis, il parle de l'enfer. Il parle du châtiment, il parle du pardon. Donc ici, le prédicateur doit agir de la même manière, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que quand il exhorte les gens, il ne faut pas qu'il parle de la mort jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et parle de l'enfer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, sans jamais parler du pardon d'Allah Azza wa Jal, du paradis, de ce qu'attend ici, ou ce qui est préparé pour les pieux au paradis, etc. Non, il faut qu'il équilibre la balance. Il faut qu'il équilibre la balance. حتى يبقى دائما بين الخوف والرجاء. Pour être toujours entre quoi? La peur et l'espérance. Et il faut être toujours entre ces deux choses-là. Espérer qu'Allah Azza wa Jal te pardonne, toujours comme ça, jusque ton dernier souffle. Tu dois toujours dire, j'espère qu'Allah me pardonne, et j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal ne me pardonne pas. J'ai peur qu'Allah me châtie, mais j'espère qu'Allah Azza wa Jal me pardonnera. J'ai peur d'aller en enfer, mais j'espère aller au paradis. D'accord? Donc tu restes toujours ici dans le juste milieu. Walakin, kama qala al-ulama, quelquefois, les médecins du cœur, al-ulama, al-du'at, ilallahi azza wa jal, les prédicateurs, ceux qui transmettent cette religion, toi aussi, tu dois réagir en fonction des maladies qu'a le malade, qu'a le patient. Quand tu sais qu'il est plus attiré par le haram, plus dans le dunya, plus dans le kabair, plus que ici, dans l'acte d'adoration, les actes d'adoration insistent plus sur quoi? Fais pencher un peu la balance, plus sur al-maut, sur al-nar, sans oublier de parler du paradis, mais plus sur ça. Quand tu vois à grande échelle, dans une ville, un imam, il voit que les gens sont beaucoup dans le rafla, beaucoup dans le péché, beaucoup dans l'insouciance, il faut qu'il accentue, du moins pendant une période, al-maut, al-maut, al-maut, al-nar, al-nar, al-nar, l'enfer, la mort, l'enfer, la mort. Et après ensuite il rééquilibre. Et là, il peut commencer à parler de temps en temps de la mort, de temps en temps du paradis, de temps en temps du repentir et de la miséricorde d'Allah, de temps en temps de la colère d'Allah. Il équilibre. Et quand tu es en face d'une personne qui, et ça touche beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui dans la communauté, qui désespère beaucoup de la miséricorde d'Allah. Des gens, ils désespèrent, wal'iyadu billah, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا. C'est interdit. Ne désespérez pas de quoi? لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit, seuls les mécréants désespèrent de ma miséricorde. Ça c'est grave. Seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc quand tu vois une personne qui désespère trop, mais Allah me pardonnera jamais, mais ne va pas lui rajouter en disant, là t'as un peu raison, parce que regarde ce qui nous attend, regarde ce qui nous attend, regarde ce qui est en enfer, regarde l'oncle du prophète, il est voué en enfer éternellement, regarde. Non. Là ici, il faut rééquilibrer la balance. Maintenant penche plus ta da'wah sur la miséricorde d'Allah qui dépasse sa colère. Que ici, si une personne, il a beau faire des péchés, des péchés, des péchés, s'il meurt et il a dit la ilaha illallah, avec sincérité, il rentre au paradis. Ici, etc. Tu lui rappelles tous les bienfaits de la prière, que le fait de dire simplement Allahu Akbar, il y a des péchés qui partent. Quand tu fais ruku', tous tes péchés tombent avec ruku'. Comme le prophète alayhi salam l'a enseigné. Quand tu finis ta prière, il te reste peut-être que très peu de péchés. Et si tu fais tasbih, tahmid, tahlil, et tu finis par la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, t'as plus de péchés. Et d'un vendredi à un vendredi, Allah il pardonne les péchés. Et d'un ramadan à ramadan, Allah il pardonne les péchés. Et ça, tu lui remontes le moral, dit alhamdulillah. Donc il faut s'adapter au, par rapport au, au patient que tu as en face de toi. Allah jalla wa ala dit, wa huwa al-azizu al-ghafur. C'est le puissant et le pardonneur. Ensuite Allah jalla wa ala dit alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji' al-basara karratayn. Et ici Allah azza wa jalla, regardez comment il va interpeller la personne et il va ici montrer sa perfection dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection d'Allah Jalla wa Ala. Et il va nous le rappeler, et en nous lançant un défi, ou plutôt, en lançant un défi à l'ensemble des gens. Ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Ceux qui ont des doutes, ceux qui n'ont pas de doutes. Et Allah Azza wa Jalla, regardez comment il va interpeller Et comment il nous interpelle, il interpelle l'ensemble des gens et particulièrement ceux qui ont des doutes. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il n'y a aucun doute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique qui a créé les cieux et la terre et toute sa création est parfaite. Et Allah nous rappelle ici qu'il n'a rien créé en vain. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Allah plusieurs fois dans le Coran, il rappelle qu'il n'a pas créé les cieux et la terre. Ici, est-ce qu'il est entre eux? En vain. Mais il y a un but. Et Allah, dans ce verset coranique, il nous le rappelle. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Allah, Jalla wa'ala, il rappelle qu'il a créé. الَّذِي هُوَ اللَّهُ. C'est Allah, Jalla wa'ala, qui a créé sept cieux superposés. Donc, on sait qu'il y a sept cieux. Sept cieux superposés. Sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux, du tout miséricordieux. Ensuite, Allah, il dit, ramène sur elle le regard. On va parler de cela après. Donc, ramène sur elle, c'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il dit, farji'i al-basara, hal tara min futur. Ramène le regard. Khalas, j'ai créé les sept cieux. Et ici, ramène le regard. Une seule fois, non. Farji'i al-basara karratayn. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, non, ramène le regard. Ramène-le encore une deuxième fois. C'est-à-dire, regarde une fois. Regarde deux fois, parce que quand tu regardes deux fois, c'est pas comme quand tu as regardé une seule fois. Et on va en parler. Allah, il a créé sept cieux. Clair? Allah Azza wa Jalla, il les a pas créés en vain. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés parce qu'il y a une raison. Et il a créé les sept cieux de façon parfaite. Et nous, ce qu'on voit, c'est as-sama' ad-dunya. Donc, on l'appelle as-sama' ad-dunya parce que l'ulama ont dit, les habitants de dunya de la vie d'ici-bas, ils le voient. Donc, c'est le premier ciel, ou le ciel le plus bas, ou le ciel ici de sama' ad-dunya. Clair? Donc, le ciel que les habitants de la terre voient. Et juste dans le fait de méditer quant à ce ciel-là, qu'on voit, même à l'œil nu, sans microscope ou autre, ici, il y a des signes de méditation et de réflexion pour qui? Les ulil albab. Allah, il dit pas pour n'importe qui, pour les doués d'intelligence. Clair? Les sept cieux, le prophète en a parlé. Et il dit, concernant al-Isra wa al-Mi'raj, quand il a, ici, où il est monté dans les cieux, jusqu'à dépasser le septième ciel, et il a été dans un endroit où personne d'autre que lui ont été, d'accord, parmi al-Mala'ika, si ce n'est, comme certains gens de science ont dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, hamalatul arsh, ceux qui portent le trône du miséricordieux. Clair? Il a été jusqu'à Sidratul Muntaha et il est rapporté ici qu'il a vu des choses impressionnantes dans le long hadith concernant l'Isra wal Mi'raj. Le premier ciel, il a rencontré qui? Adam alayhi salam. Et il a rencontré plusieurs prophètes et envoyés. Et au septième ciel, il a rencontré qui? Ibrahim alayhi salam. Premier ciel Adam, Ibrahim au septième ciel. Donc le prophète a parlé de ces sept cieux. Wadih? Donc ici, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, ma tara. D'accord? Il parle de ces sept cieux. Comment sont-ils? Il dit, subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. Ay, ma tara fihi min khalal. Kama qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ma tara fihi min khalal. Wala aib. Wala naqs. Walihada qala jalla wa ala, farji'il basara. Allah jalla wa ala, il te rappelle qu'il n'y a aucun défaut, aucune déficience, aucun manquement dans la création, dans toute la création, et particulièrement aussi ici parce qu'il parle de ça, dans la création des cieux, des sept cieux. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux, les sept cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du miséricordieux, farji'il basara, ramène sur elle le regard. Aïe, ici, ramène sur elle le regard, et ici, pour vérifier bien, et regarder bien, est-ce qu'il y a un défaut, ou une fissure, ou une déficience? Et Allah Azza wa Jal, il te dit encore, non seulement ramène sur eux le regard, mais ensuite Allah Azza wa Jal, il dit, مَا تَرَى فِيهِ أَوْ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Clair? Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran ici, du tout miséricorde, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. clair? Et ici, al-ulama ont dit que Allah Jalla wa'ala parle de ce qu'on appelle de fissures, clair? Donc si on veut, en général, de déficience, de défaut, il n'y a aucun défaut. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il te dit, regarde-le une fois, regarde encore, ramène une deuxième fois le regard, comme on sait que quand tu regardes une personne qui a un défaut, tu ne vas pas apercevoir à tous les coups le défaut lors du premier regard. Mais quand tu regardes une deuxième fois, quand on va te dire, mais tu n'as pas vu le défaut, tu vas regarder une deuxième fois. En général, là, à ce moment-là, tu vas t'apercevoir du défaut. Allah Azza wa Jal, ici, il défie les dénégateurs et ceux qui ont des doutes, il dit, regardez. Ramenez une deuxième fois le regard. Est-ce que vous voyez ici une déficience, une fissure, ici un défaut? Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que tu peux regarder plusieurs fois, 5 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, tu ne trouveras ici aucun défaut dans la création d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que non seulement tu trouveras aucun défaut, mais à force de regarder, l'être humain quelque part, il va se retrouver obligé, bon gré, mal gré, de reconnaître la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à force de regarder et de chercher, son regard va redescendre, va revenir vers lui, comme Allah a dit, ton regard va revenir à toi, mais de quelle manière? Humilié. Tu auras honte. Tu vas baisser ton regard. Certains vont baisser le regard avec khushu', humilité. Les non-croyants, si tu le provoques et tu lui dis, trouve-moi un défaut, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va baisser son regard. Il pourra pas, humilié. Et le musulman, humilié, mais avec humilité, envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et avec crainte, qui se sera rajouté crainte sur crainte envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Comme a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, humilié, et Mujahid a dit, son regard sera non seulement humilié, mais diminué. C'est-à-dire, tu vas agir avec plus de modestie. Tu vas te rendre compte de la puissance et la grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal. Ceci va te pousser à te rendre compte que tu n'es rien par rapport à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Sauf si tu es une personne qui est pieuse et aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hasir, al-ulama ont dit, ay kalil. C'est-à-dire, Allah parle de non seulement le fait que tu vas faire revenir le regard à toi, d'accord? Ton regard va revenir à toi, humilié, diminué, mais aussi épuisé. Épuisé pourquoi? À force de regarder, à force de chercher. Allah Jalla wa'ala te rappelle que si tu cherches, tu peux continuer à chercher. Et cherche. Et tu veux regarder? Regarde. Allah, il te dit, regarde et cherche les défauts. Il n'y a pas. Et même si tu regardes pendant des centaines, des milliers de fois, ton regard viendra vers toi, humilié, diminué, mais en plus épuisé, tellement que tu auras regardé et cherché des défauts. Donc, cherche jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu seras fatigué. Et le résultat, c'est que quoi? Tu ne trouveras aucun défaut dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un message aussi de la part d'Allah Azza wa Jal pour nous pousser à quoi? À regarder. Même si tu crois, mais regarde, plus tu vas regarder la création des cieux et de la terre, la création d'Allah Azza wa Jal, plus, bi'idnillah, ta foi va monter, va augmenter. C'est pour ça que Salaf, il se concentrait beaucoup dans, ici, at-tadabbur, la méditation. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a mis l'accent sur un verset coranique qui parle de quoi? De la méditation. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Hibban, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. D'après Ubayd Ibn Umayr, rahimahullahu ta'ala, qui demanda à Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, celle qui vivait avec le prophète alayhi salatu wassalam, une de ses épouses, une proche du prophète alayhi salatu wassalam, une savante. Il l'a interrogé et il lui a dit, informe-nous de ce que tu as vu de plus merveilleux chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Informe-nous de ce que tu as vu de plus merveilleux chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ici, il se tut. Puis elle répondit après, alors que c'était une de mes nuits. Donc, c'est-à-dire une de ses nuits, parce qu'il avait plusieurs épouses. Il y avait des nuits réservées à Aïcha, des nuits réservées à ses autres épouses. Elle dit, alors que c'était une de mes nuits, le prophète alayhi salatu wassalam ici a demandé la permission à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha de faire autre chose que de consacrer son temps à elle. Et il dit alayhi salatu wassalam, ô Aïcha, laisse-moi cette nuit me consacrer à l'adoration d'Allah jalla wa ala. Tu dis, laisse-moi cette nuit-là, j'ai envie de me consacrer dans l'ibadah. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiallahu anha wa arda, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'aime ta proximité. Walakin, j'aime aussi ce qui te réjouit. Regardez le comportement, al-ilm. Ici, la bonne compréhension, la maturité de Aïcha. Elle dit, j'aime ta proximité, mais j'aime aussi ce qui te réjouit. Donc ici, elle était prompte à satisfaire le prophète alayhi salatu wassalam, à faire plaisir au prophète alayhi salatu wassalam, à délaisser, d'accord, ce qui allait lui favoriser, ce qui allait lui faire plaisir, simplement pour satisfaire la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ici, elle a accepté. Et elle dit alors, il alayhi salatu wassalam, pendant cette nuit-là, se leva pour faire ses ablutions. Il fit ses ablutions, ensuite le prophète se mit à prier. Elle dit ensuite, radiyallahu anha wa ardaha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller son giron. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller son giron. Et elle poursuit. Ainsi, il se mit à pleurer encore, le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à en mouiller toute sa barbe. Il pleura, alors à tel point que tout le sol fut mouillé. Puis Bilal vint pour appeler à la prière. Lorsqu'il vit le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, ô envoyé d'Allah, tu pleures alors qu'Allah azza wa jal t'a pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés futurs. Tu pleures, ya Rasulallah, jusqu'à mouiller ta barbe, jusqu'à mouiller ton giron, jusqu'à mouiller tout le sol. Et il répondit alayhi salatu wassalam, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cette nuit, il m'a été révélé le verset suivant. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab. Cette nuit-là m'a été révélé ce verset coranique. Regardez le comportement du prophète qu'il a eu, il parle de ce verset coranique et l'impact qu'a eu ce verset coranique sur lui. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, la ayat, des signes évident, mais pour qui? Les ulil albab, pour les doués d'intelligence. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a pleuré. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit. Malheur à celui qui lit ce verset et ne médite pas dessus. Malheur à celui qui lit ce verset et qui ne médite pas dessus. Ah, on est content à dire, oh, mashallah, voilà qu'une attention. Malheur à celui qui lit ce verset et ne médite pas dessus. Naam, Al-Qur'an Al-Karim a été descendu pourquoi? Pour qu'il soit médité. Kitabun mubarak anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati. C'est un livre béni qu'on a descendu sur toi. Pour quelle raison Allah il a descendu Al-Qur'an? Pour qu'il médite ces versets. Et pourquoi pas, regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à celui qui lit ces versets coraniques et qui ne médite pas sur ce verset coranique. D'accord? Donc Allah il parle dans ce verset coranique de quoi? Sa création. Et qu'il y a des signes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour. Des signes évidents pour qui? Les doués d'intelligence. Donc médite quant à l'alternation du jour et de la nuit et quant à la création des cieux et de la terre. Et bihawlillahi azza wa jal, l'akh Younes va nous préparer inshallah un montage vidéo ici sur différentes créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passera des poissons aux montagnes, des montagnes à l'espace, de l'espace à plusieurs choses, et on en fera ici inshallah ta'ala une vidéo bi'idhnillah azza wa jal pour rappeler la création et les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala bihawlillahi azza wa jal. La méditation, elle est impérative et il nous manque beaucoup de méditation, à moi le premier. Juste le fait, là on est dans la création des cieux et de la terre, on parle même pas des créatures, des poissons, des arbres, des... Non, juste dans les cieux, rapidement, juste une chose, parce qu'on parle de As-Sama Ad-Dunya. Ah, il y a sept cieux, le premier ciel, khlas, As-Sama Ad-Dunya, on peut le voir, on voit une partie. Donc juste dans ce qu'on peut voir et apercevoir chaque jour, il y a de grands signes. Chaque nuit, il y a de grands signes. Chaque jour, parmi ces grands signes, juste le fait de savoir que les cieux tiennent sans piliers, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran Al-Karim. Sans support, sans maintien, qui les tient? Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le poids des cieux? Disons simplement quel est le poids d'un nuage. Un nuage, vous savez que simplement un nuage pèse et peut peser jusqu'à des millions de tonnes. Un nuage, 800 000 tonnes, 10 millions de tonnes, 500 000 tonnes, 100 000 tonnes, ça dépend. Il peut peser jusqu'à des millions de tonnes. Un nuage, c'est qui tient ce nuage-là? Et quand tu prends l'avion et tu traverses ce nuage-là, rempli d'eau, parce qu'il pleut, des millions de litres d'eau, est-ce que ici, l'avion se noie? Non, il traverse par la permission d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ce nuage tombe? Non, il se déplace. Et qui qu'il fait se déplacer? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les nuages, que dire des cieux? Et ça, ayyuha al-ahibba, on médite même pas quant à la puissance d'Allah Azza wa Jal, concernant sa création, la création. Pas des cieux, simplement des nuages. Mais par contre, quand on monte dans un avion, on se dit, est-ce que cet avion-là ne va pas tomber? Et on a peur que cet avion tombe. Mais on se dit jamais, est-ce que les nuages vont tomber sur la tête de l'être humain ou sur notre tête? On se pose jamais la question, on n'a jamais cette crainte. Parce qu'on sait que la création d'Allah est parfaite. Mais on sait que ce que l'être humain, d'accord, a construit, ce n'est pas parfait. On n'est pas rassuré. Et même le non-musulman, il prendra l'avion, il aura toujours une petite crainte. Dès que ça concerne une chose que l'être humain a créée, ou plutôt ici a construit, parce que quand on parle de création, vraiment de création complète, parfaite, c'est le fait de créer à partir de rien. C'est pas de copier une chose à partir d'une chose, non, créer à partir de rien. Donc une personne qui va construire une chose, on sait très bien que ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait. On est en 2012, avec tous les moyens qu'ont les gens, les êtres humains, les physiciens, les mathématiciens, les plus grands intelligents, etc., les personnes intelligentes, ils ont fait des choses impressionnantes. Les ordinateurs, les moyens et les mémoires qu'il y a dans les ordinateurs, etc., etc. Est-ce que ça a les capacités du cerveau humain? Jamais. Pourtant, on est en 2012. Et Allah Azza wa Jalla l'a créé quand, l'être humain? Il y a 10 ans? Il y a 100 ans? Il y a des milliards d'années. Il y a des milliards d'années, Allah Azza wa Jalla l'a créé ce qu'il y a de meilleur, 1 milliard fois. C'est indénombrable, meilleur et plus performant que ces moyens que vous venez de créer cette année-là ou ce mois-ci. Ou ces choses. Et ici, après on se dit, oui mais je doute dans la création d'Allah Azza wa Jal, c'est venu comme ça, ça a apparu comme ça, tout par... Subhanallah. Tout parfait, alors qu'avec les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui, on ne pourra rien créer de façon parfaite et complète. La preuve, un avion, on a peur qu'il tombe. Pourquoi on s'est jamais posé la question en se disant, est-ce que les nuages vont nous tomber? Non, on sait que ça a été créé parfaitement, et que c'est Allah Azza wa Jal qui gère toutes choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a assujetti pour nous les nuages. Il a assujetti pour nous le soleil. Il a assujetti pour nous les étoiles, al-kawakib. Et ça fait partie des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des milliers de signes dans la création des cieux et de la terre. Et parmi ces signes, il y a les nuages, il y a al-kawakib. Et Allah Azza wa Jalla en parle ici dans le Coran al-Karim. Les étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'ils ont 3 fonctions. Comme l'a dit Qatada, radiyallahu anhu wa arda. Et Qatada, il dit, celui qui rajoute une chose à part ces 3 choses-là, il a parlé ici avec son avis personnel, avec ses passions. Il dit, la première des raisons pour laquelle Allah jalla wa ala a créé les étoiles, c'est pour embellir le ciel. La deuxième raison, et tout cela on retrouve dans le Coran al-Karim et on va en parler. La deuxième raison, rujum les shayatin, pour lapider à shayatin. La troisième raison, c'est pourquoi? Pour que ça serve de repère et de guide pour les gens. 3 raisons pour lesquelles Allah Jalla wa Ala a créé al-kawakib. D'accord? Ou bien al-nujum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il rappelle la grandeur et la perfection de sa création et la création des 7 cieux, il parle du ciel le plus bas, d'accord, as-sama ad-dunya, et il parle simplement de certaines perfections dans sa création concernant le ciel le plus bas. Il ne parle pas de tout, il ne parle simplement de certaines choses qui nous poussent à méditer. Et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Allah, il parle de al-kawakib, il les appelle al-masabih. Il dit subhanahu wa ta'ala, avec une traduction du sens, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec bimasabih, ici avec des lampes, des choses qui illuminent. Et ici on parle de kawakib, comme a dit Ibn Kathir wa ghayru min ahli al-ilm, et dont nous avons fait des projectiles pour lapider ash-shayatin, les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Clair? Ici on parle de l'embellissement. Allah Jalla wa Ala, il nous montre la preuve que parmi les raisons pour lesquelles il a créé les étoiles, c'est pour embellir. Est-ce que ça embellit le ciel? Naam. Quand tu regardes la nuit, ici une nuit calme, et ici le ciel est découvert, et tu vois les milliers, les millions d'étoiles, Est-ce que ça embellit le ciel? Est-ce que n'importe quelle personne sur la surface de la terre qui regarde ici ce paysage-là, qui regarde les étoiles alors que le ciel est dégagé lors d'une nuit calme, ici musulman ou non musulman, ici est-ce qu'une personne se permettra de dire c'est moche? Personne dira oh c'est moche. Même celui qui va pas méditer va dire bon alors, mais dis-lui dis c'est moche. Il pourra pas. Même celui qui est contre toutes les religions, tu lui dis dis-moi c'est moche. Moi je vois rien parce qu'il y a des gens qui vont voir le soleil, ouais le soleil est après. Les gens vont voir le nuage, ouais, et après. Parce qu'ils ne méditent pas. Même des musulmans. Mais non, on va plus loin. Dis-lui, est-ce que ce que tu vois là, tu peux dire que c'est moche? Non, c'est contraire à la définition du terme les moches. Donc personne ne pourra dire que c'est moche. Donc c'est beau. Allah l'a dit dans le Coran. وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah جل وعلا dit, c'est un embellissement. Donc on sait que ça a été créé pour embellir ici le ciel, clair? Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que quand il crée une chose, ça n'a pas qu'une fonction. Ça a plusieurs fonctions. Et en général, tout ce qu'il crée, c'est beau. Tu vas voir un animal, tu vas voir l'être humain, tu vas voir... C'est des choses et qui concernent la création d'Allah azza wa jal, toutes ces choses-là sont belles. Non seulement elles sont belles, mais en plus de cela, ici, elles ont plusieurs fonctions. Contrairement à l'être humain, quelquefois il va faire des choses et dire oui c'est moche mais par contre c'est efficace. Oui c'est beau mais c'est pas autant efficace que l'autre chose que l'autre a construit mais qui est... Mais Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il crée, c'est beau et efficace et ça a plusieurs fonctions et c'est parfait et ça nous rappelle la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection totale et complète n'appartient que à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il a... que les shayatins sont lapidés. Les shayatins sont lapidés. Ici, il dit, rujouman les shayatins. Est-ce que, ici, c'est ces étoiles qui sont utilisées en tant que telles pour lapider les shayatins? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et c'est la parole prépondérante, il dit non. C'est-à-dire, Allah, jalla wa ala, il lapide, d'accord? Donc, il ordonne que ces shayatins soient lapidés. Donc, qu'est-ce qui est envoyé sur ces shayatins? Ici, وَجَعَلْنَا Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on a donc utilisé ces étoiles-là, si on prend le texte, عَلَى ظَاهِرِهِ, donc ce qui est apparent du texte, donc ces étoiles servent à lapider الشَّيَاطِينَ. L'étoile sert à lapider الشَّيَاطِينَ, c'est ce qu'on comprend. D'accord? Donc dans le premier sens. وَلَكِنْ, ça ne veut pas dire ça. L'étoile reste en tant que telle. Et l'étoile, ce n'est pas elle qui va lapider en tant que telle le diable. Ça voudrait dire sinon que l'étoile elle va faire quoi? Elle va bouger. Donc on verrait l'étoile bouger, partir. Et l'étoile partirait, elle irait lapider le diable. À quel moment? Ici on va le voir dans le hadith complet, inshallah ta'ala, quand shayatin, ils écoutent des informations et ils volent des informations. Clair? Et on va en parler inshallah ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des météores provenant des étoiles. Mais l'étoile en tant que telle, ce n'est pas elle qui va lapider. D'accord? Par la permission d'Allah Azza wa Jalla, le diable. L'étoile, elle reste où elle est. Parce que sinon, on va dire que c'est l'étoile. Mais l'étoile, elle va rester où elle est. Donc on dit l'étoile, elle reste comme telle. Mais de l'étoile, se dégage un météore. Et c'est ce météore-là qui est envoyé sur les shayatin, les diables, rebelles, qui écoutent les informations concernant une personne ou une tierce personne, et cette information vient de le malaïka des anges, et Allah Jalla wa Ala envoie ce météore qui vient de cette étoile-là pour chasser al-shayatin. Clair? Pour chasser ces diables-là. Et on parle de météore, et aussi on peut dire aussi de flamme, parce que dans un autre verset coranique, Allah Azza wa Jalla, il parle de shihab. Et shihab, dans la langue arabe, indique plus les flammes. Donc c'est une flamme qui est envoyée. Et c'est ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui par le terme l'étoile filante. Claire? C'est pas l'étoile qui file. Ça, c'est une expression. D'après ce que voit l'être humain. Claire? Et ici, le concret et ce qui est réel, c'est que l'étoile, ce n'est pas elle qui est envoyée, mais c'est un météore qui se dégage de l'étoile. Et c'est ce qu'on peut apercevoir quelquefois. Et قول الراجح من أهل العلم, après plusieurs études, je rentre pas dans les détails, certains gens de science disent que ce n'est pas à chaque fois que tu vois une étoile filante que cela veut dire automatiquement qu'Allah Jalla wa Ala a ordonné de lapider un diable ou un groupe de diables. Non. ça peut être pour d'autres raisons. Mais parmi les raisons, c'est que, ici, il y a des shayatines qui sont lapidés. Donc, une étoile filante peut vouloir dire qu'il y a un diable ou des diables qui ont été lapidés. Clair? Parce qu'ils ont espionné Al-Malaika qui parle de Foulan, Mohamed, qu'est-ce qui va lui arriver dans une semaine, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Ah, ils ont entendu le Malaika dire, Mohamed, dans 6 mois, il va voyager, et il va faire un accident, et il va mourir. Ah, il a pris l'information. Allah Jalla wa'ala, il leur donne que quoi? Ils soient lapidés. Ils repartent avec cette information. Quelquefois, ils arrivent à partir et à transmettre une petite vérité. Et le reste, c'est du mensonge. Mais Allah Jalla wa'ala ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا dit nul des habitants de ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent al-ghayb al-mustaqbal le futur l'invisible si ce n'est qui Allah. Mais comment ça se fait que les anges disent qu'est-ce qui va se produire dans 6 mois ou dans 1 an sur cette personne-là? Car ils ont eu l'information d'Allah jalla wa ala aussi quoi, ils savaient pas. Allah leur a informé ici qu'est-ce qui va arriver à Mohammed dans 6 mois. Allah leur a informé. Ils discutent de cette situation-là et ensuite Shayatin qui travaille avec as-sahara wal-kuhan, avec les devins, avec les charlatans, avec les sahar, ils travaillent avec eux. Et donc il y en a qui ont des djinns ici qui arrivent à aller prendre des informations. Ils travaillent avec eux, donc les sorciers, et ils disent qu'est-ce que tu dis sur Mohammed parce que là il y a quelqu'un qui veut des renseignements sur lui. Et le djinn, il va lui dire sur ici al-mardi, ce qui est passé, il va lui dire. Ça ils peuvent savoir, c'est ce qui est passé, il va se renseigner avec un djinn, t'as suivi un tel, tu l'as vu faire un accident avant, oui moi j'étais avec lui, hop, il se déplace très rapidement, il va lui dire. Est-ce qu'il connaît le ghaib? Ils connaissent pas le ghaib, c'est le mardi. Le mardi, il n'y a pas de problème. Et maintenant, sur le futur. Le futur, ils vont t'embellir. D'accord, la situation avec le fait de te rapporter plein de choses sur ton passé que personne ne connaissait, si ce n'était toi, et bien sûr Allah Jalla wa'ala, et bien sûr certains djinns. Donc tu vas dire, subhanallah, s'il a dit ça, personne n'était là, c'est tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Mais le mardi, il peut te dire, et après t'as gagné quoi? Il t'a dit sur le passé, toi t'es venu pour lui dire, dis-moi ce qui va m'arriver. Il te répète ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné, tu t'es fait avoir. Si ce n'est que t'as perdu de l'argent. Donc maintenant, ici, il t'a mis en confiance. Maintenant, il va dire, maintenant, ce qui va t'arriver, toi, tu vas dire, ah, il m'a dit le passé, donc tout ce qu'il va me dire dans le futur, c'est vrai. Et en plus de cela, dans certains cas, ils vont te donner une petite vraie information qu'ils ont réussi à voler dans une conversation de l'Malaïka concernant une chose que Allah, Jalla wa'ala, leur a révélé qui allait t'arriver. Donc il va dire, ah, il va t'arriver une chose vraie, et tout le reste, c'est que du mensonge. Et ça, c'est rare. Ça c'est rare. Quelquefois, ils arrivent à prendre une petite vérité. Et à côté, c'est 100 ou 1000 ou 1 million de mensonges. Donc toi, tu vas dire, tout ce qui est passé est vrai. Un jour, peut-être, tu vas tomber dans la vérité, la petite vérité qu'il t'a dit dans ton futur. Donc tu vas dire, maintenant, khlas, c'est lui qui connaît tout. Tu ne cesseras de retourner chez lui et de donner des milliers comme des gens font. Il y a des gens qui nous ont dit, j'ai vendu ma maison, je me suis retrouvé à la rue parce que j'ai tout vendu pour lui donner au sahar, pour qu'il me dise qu'est-ce qui va m'arriver, protège-moi, aide-moi, etc. Alors que ce sahar-là, s'il connaissait le ghaib, est-ce que tu crois qu'il se casserait la tête avec toi pour gagner 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, et il devinerait les codes, les numéros du loto, il irait jouer au loto, il serait millionnaire. Pourquoi il se casserait la tête avec toi? Si vraiment il connaissait le ghaib. Il connaîtrait, dirait Iblis, ou la Malika, ou la Karima, ou la Mohamed qui travaille pour lui. Shayatin, ils ont des noms quelquefois comme ça, arabes. Et lui dirait, donne-moi les numéros du loto. Il lui donnerait les numéros du loto, il irait gratter, khalas, il est en retraite. Pourquoi il va se casser la tête avec tes 50 euros, 100 euros, même 10 000 euros? La preuve qu'il ne... Ah, donc ici, il joue avec certaines personnes faibles. Mais il ne peut pas jouer avec la Française des Jeux. Il peut pas. Il peut pas jouer avec al-haq, la vérité ici, ce qui est concret. Ah, il peut pas. Mais avec des faibles d'esprit ou des gens qui, là, il peut, quand il trouve des failles. Mais quand il n'y a pas de failles, il peut rien faire. La preuve qu'il est faible et que même lui ne connaît pas al-ghaib. Car le prophète, alayhi salam, lui-même, ne connaissait pas al-ghaib. Le prophète lui-même ne connaissait pas al-ghaib. Walakin huwa alladhi la yantiqu anil hawa. Parle pas poussé par sa passion quand il disait quelque chose concernant al-ghaib. C'est qu'Allah, jalla wa ala, lui a révélé. C'est pour ça qu'on dit al-Qur'an wahi. Et ici, al-sunnah wahi aussi. Al-Qur'an, c'est une révélation. Et ici, la sunna, c'est une révélation aussi. Car le prophète ne parle pas poussé par sa passion. Donc, le Coran, c'est une révélation, c'est une hujja. Et la sunna, c'est une révélation, c'est une hujja. Rapporté par At-Tirmidhi, il a dit, hadith, hasanun sahih. Une nuit, le prophète, alayhi salatu wassalam, était assis en compagnie de certains sahaba compagnons. Quand s'illumina une étoile filante devant le prophète et devant sahaba, radiyallahu anhu wa ardam. Et il dit, alayhi salatu wassalam, que disiez-vous à propos de choses semblables dans le Jahiliya, la période ici pré-islamique ou avant l'islam. Qu'est-ce que vous disiez quand vous voyez des étoiles filantes? Et maintenant, ça c'était Sahaba avant qu'ils rentrent dans l'islam. Après l'islam, la venue de l'islam. Là maintenant, tu vois des gens qui se disent musulmans et qui disent la même chose que ce que disaient certains compagnons avant l'islam il y a plus de 14 siècles. Regardez, on est en retard chez certains plus de 14 siècles en arrière. Et dit, qu'est-ce que disiez-vous? Et ici, le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il les a interrogés, ils ont dit, ah, on disait quand il y avait une étoile filante, un grand va mourir. Vous voyez une étoile filante? Ah, ça veut dire quelqu'un va mourir. Wal'iyadhu billah. Il disait, un grand va mourir, ou bien, une grande personne va naître. Soit quelqu'un va mourir quand il voyait une étoile filante, ou alors quand il voyait une étoile filante, il disait, ou alors quelqu'un va naître. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, déclara, eh bien, ce genre de choses n'a lieu ni pour la mort, ni pour la vie de quelqu'un, mais lorsque notre Seigneur décrète quelque chose. Et là, il explique le prophète, alayhi salatu wasalam, quand Allah azzawajal, ah, c'est Allah, il a décrété quelque chose. Khalas, la chose, elle a été décrétée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose, les anges porteurs du trône proclament sa pureté. Subhanahu wa ta'ala. Et ici, puis les anges ou les gens du ciel qui sont proches d'eux proclament aussi sa pureté. Puis ceux qui sont proches d'eux proclament sa pureté, puis ceux qui sont proches jusqu'à ce que la proclamation atteigne ce ciel. Puis les gens du sixième ciel demandent à ceux du septième ciel, qu'a dit notre Seigneur, qu'a dit votre Seigneur, ils les en informent. Puis les gens de chaque ciel se renseignent d'eux-mêmes, jusqu'à ce que l'information atteigne les gens du ciel le plus bas. Donc ici, le ciel le plus bas, Sama ad-Dunya. Et à ce moment-là, Adoka, ils peuvent pas aller jusqu'où ils veulent. Là, c'est ils attendent que l'information elle descende. Khlas, les anges en ont pris connaissance, Allah l'a décrété, et etc. Jusqu'à ce qu'ils descendent au premier ciel. Les démons, ici, cherchent à entendre et à la dérober. Ils veulent écouter Shayatin, et ils veulent prendre et la voler cette information. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Mohammed, par exemple? Et un projectile à ce moment-là, une flamme ou un météore, on a dit qu'il provient de d'une étoile, d'accord, ou d'un astre. Un projectile est alors lancé sur eux, il donne l'information à leurs alliés, et ce que ceux-ci transmettent, comme il l'est, cela est vrai. Mais il le falsifie et il rajoute des choses. Donc ce qu'il a transmis, c'est vrai. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent à prendre une vérité, ils falsifient cette vérité et ils rajoutent des choses. Ou alors, quelquefois, ils vont garder une petite vérité ou un morceau de vérité et ils vont rajouter mille mensonges. Wal'iyadhu billah. Donc nous disons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, comme a dit Qatada, les trois raisons pour lesquelles Allah Jalla wa Ala a cité ou a créé les étoiles pour embellir le ciel, pour que ça soit une protection, d'accord, contre ash-shayatin qui essaye de dérober des informations contre toi, étoile filante, khlas, Allah a envoyé un météore provenant d'une étoile pour les chasser, les faire fuir, pour les lapider. Ou bien la troisième des choses, pourquoi? Pour qu'elles servent de repère. Allah Jalla wa Ala a dit, ici dans le Coran al-Karim, celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu vois de disproportion, en la création du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque, puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche, avec des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. À qui il a préparé, Allah Azza wa Jalla, le châtiment de la fournaise? Les shayatin. Et ça, certains gens de science ont dit ce châtiment de la fournaise, d'accord, on va en parler de ce type de châtiment qu'Allah a parlé, il est spécifique à qui? Ash-shayatin. Donc ash-shayatin, il y en aura qui seront en enfer. Et comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm, al-farq bayna al-jinn wa ash-shaytan aw ash-shayatin, c'est quoi la différence? C'est que ash-shayatin, ce sont les rebelles, ils sont tous des djinns à la base. Créé de quoi? Un nar, de feu. Walakin, le djinn qui se rebelle, qui fait du mal, comme nous on va dire un être humain qui fait du rebelle, qui se rebelle, qui fait du mal, c'est un pervers ou c'est un mécréant, ou celui qui fait du mal, qui aime la voix de shaitan, on va dire c'est un pervers ou un mécréant ou un égaré, et ben nous on va dire d'un djinn c'est un diable. Mais à la base c'est un djinn. Et le djinn a été créé de feu. Et certains disent, ou certains veulent envoyer ou balancer des shubuhat, des ambiguïtés, dans les rangs des musulmans, ils disent, vous prétendez que des diables sont créés de feu, et ils vont brûler dans le feu. Le feu avec le feu, comment ils vont souffrir? Tu lui dis, comme disent les gens de science, et moi je vais rajouter une parole de moi bien sûr, nous on a été créés d'argile. Moi je suis créé d'argile. Toi Fourat, t'as été créé? d'argile. Si je te mets une droite, tu vas avoir mal ou pas? Donc voilà, ça ne veut pas dire que parce que deux choses sont créées de la même chose, qu'une chose ne peut pas causer la souffrance d'une autre chose. Non, moi je suis créé d'argile, toi tu es créé d'argile, mais si une personne frappe l'autre personne qui a été créée d'argile, il va ressentir une douleur. Les chayatins sont créés de feu, Allah Jalla wa'ala a créé l'enfer de feu, le diable qui mérite d'être en enfer, il a été créé de feu, mais t'inquiète pas qu'Allah qui met les faits, ou celui qui met les faits dans les causes, Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'il va souffrir avec quoi? Avec le feu, même s'il a été créé de feu, car Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.